Hey, t'es prêt, Lion? On y va. On y va, mon gars, ou quoi? Ouais, on y va, on est parti. Vas-y, okay. Monte là. Vas-y, vas-y, on le fait. Vas-y, je le fais ou quoi? Lève la voix. J'lève la voix pour les démunis. Et pour ça, je me munis du micro et de ma bonne parole. Ouais. Tout ce qu'il dit est vrai. Ouais. Et tout ce que je dis est vrai. C'est vrai. Nos parents l'ont vécu. Nous ont prévenu. Donc on est prêt ou presque. La terre sur laquelle on vit se transforme en presqu'île. Un monde à part où pour survivre, il faut du presqu'île. Mais que me restait-il? La bouffe payée, un pour payer, payer le loyer. En bref, je me retrouve dans des factures. Je crois pas que ça m'amuse de frauder le métro. Tu trouves pas qu'ils abusent? Lui prend le ticket. Je sais, c'est trop, Lion. Avec ça, je peux me payer un bon plat de riz au foyer quinf. Tu sais déjà comment je fais quand moi j'ai un système T comme tes brouillardises. Je la connais cette fac. C'est sûr, c'est ce que mes noirs disent pour pas être collé sur le pare-brise. C'est sans cesse de piquer pour pas que ces putes te crèvent. FREDO Lion, Dream Team, une équipe de rêve. J'aime la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final, toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le diable s'en prend à nous, son croix en nous, personne pourra faire front à notre hégémonie. J'lève la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final, toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le mal s'en prend à nous, faut qu'on soit prêt à nos postes pour la riposte. Et qu'on soit réunis. Avec leur truc, c'est difficile de croire en soi. Je sais que c'est qu'on se doute, mais constate bien le compte-goutte. On nous éclipse comme le 11 août. L'être humain dépassé par des catastrophes naturelles. La foudre frappe, les forêts brûlent. Voit des choses surnaturelles. On jure tous sur nos mères, la Bible, la Torah ou le Coran. Si tu jures encore une fois, le diable t'aura au tournant. On tourne en rond, ouais. Alors qu'on veut du carré. Ça rend même nos frères tarés. Personne s'y était préparé. Comment veux-tu voir clair dans ce monde qui s'obscurcit? Les soucis de la vie ne nous laissent aucun sursis. Vous jonglez avec nos vies, telles des boules de verre. Continuez à le faire, devant chez vous y'aura des foules de mères. Et une mère en colère, en aucun cas ne tolère. Qu'on touche à son fils qui est pour elle son système solaire. Et un père en colère, impossible qu'il tolère. Touche à un seul cheveu de son fils, il te pète les molaires. Je lève la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le diable s'en prend à nous, son croix en nous, personne pourra faire front à notre hégémonie. J'lève la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le mal s'en prend à nous, faut qu'on soit prêt à nos postes pour la riposte. Et qu'on soit réunis comme avant l'été les cinq continents. On dit non, faut plus que ça continue. Nos pays sont un continent. Partout ça pisse le sang. Ça va mal, même un autiste le sent. Et ce que je vais dire, même un métisse le sait. C'est la guerre entre les noirs et les blancs. Les territoires et les clans. À croire que Dieu a foiré le plan. Ou c'est peut-être nous qui avons manqué le coche. Paraît qu'on a tous de l'amour. Oui, mais dans quelle poche? Tout le monde se déshumanise. Et fait mine d'ignorer qu'à chaque seconde des humains nuisent à notre santé, notre bien-être et notre honneur. Pour l'instant à nous de chanter pour notre planète et notre bonheur. Je lève la voix. Les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux que l'État démolit pour le bien des monnaies. Car c'est bien la part du gain qui fait qu'en chacun d'entre nous un jour un démon est. Je lève la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le diable s'en prend à nous, son croix en nous, personne ne pourra faire front à notre hégémonie. Je lève la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le mal s'en prend à nous, faut qu'on soit prêt à nos postes pour la riposte. Et qu'on soit réunis. Je lève la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le diable s'en prend à nous, son croix en nous, personne pourra faire front à notre hégémonie. Je lève la voix pour les démunis. Je croyais en une humanité unie. Au final toujours le même qui est puni. Depuis le temps que le mal s'en prend à nous, faut qu'on soit prêt à nos postes pour la riposte. Et qu'on soit réunis. Soit réunis.